Hallelujah. Amen. Now listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. I spoke about very key events. J'ai parlé des événements importants. Important events of our time. Les événements importants de notre temps. And I spoke about this very mighty prophecy the Lord gave to the church. J'ai parlé de cette prophétie puissante que le Seigneur a donnée pour l'église. And how the Lord began to send me across the whole world. Comment le Seigneur a commencé à m'envoyer partout dans le monde entier. To start prophesying the release of the four horsemen of the apocalypse. Commencer à annoncer le relâchement des quatre chevaux apocalyptiques. All over the world. Partout dans le monde entier. And wherever I went. Peu importe où j'ai été. You saw me describing the horsemen doing like this. Il me montrait, il me décrivait comment les chevaux se comportaient. That they have long mane. Qu'ils ont des cheveux, des poils très longs du cou. Glorious mane. Très glorieux. And we see the fulfillment of that prophecy. Et nous avons vu l'accomplissement de cette prophétie. And so I gave you the revelation of the relevance of that to you as a church. J'ai donné la révélation de cela pour que ça soit applicable pour vous à l'église. And we reached a place where I said. Nous avons atteint un moment où j'ai dit that the oil and the wine church. Que l'église de l'huile et du vin. That is the church for this hour. Ça c'est l'église de cette heure-ci. And that is the treasured bride of Christ. Ça c'est l'épouse très riche de Christ. As we read from Revelation chapter 19. Comme nous avons lu dans Apocalypse chapitre 19. All the way verse 6 up to verse 9. Du verset 6 au verset 9. And we saw that the righteousness is the garment that she wears. Nous avons vu la justice dans le vêtement qu'elle portait. And we have seen that right now righteousness is what is lacking in the church. Et nous voyons que ce qui manque à l'église maintenant c'est cette justice, cette droiture dans l'église. And we have seen also that the oil and the wine that the Lord celebrates in the book of Revelation chapter 6. Nous voyons aussi que le vin et l'huile que le Seigneur célèbre dans l'Apocalypse chapitre 6. That oil and the wine. Cette huile et ce vin is actually symbolic of the wise virgins. Ça symbolise des vierges sages. The oil and wine church you see in Revelation chapter 6. Ce que vous avez vu dans Apocalypse chapitre 6. Verses 5 and 6. Versets 5 et 6. That you see the Lord celebrating. Vous voyez le Seigneur célébrer. That you see the Lord talking about protecting. Vous voyez le Seigneur parle de protéger. That church, cette église là, is the bride of Christ. Cette église là est l'épouse du Christ. And that's why he speaks protection over her. C'est pourquoi il parle de protéger cette église. And I said, my standing here and speaking it to you. Et j'ai dit ma raison d'être ici de vous le dire. It means the Lord is asking you to make sure that you comply with that requirement. Cela veut dire que le Seigneur vous demande de vous ajuster à ses recommandations. So in everything that has been said. Sur tout ce qui a été dit. Walk in holiness. Marchez dans la sanctification. Surrender sexual lust. Abandonnez les convoitises sexuelles. Surrender sexual pornography. Abandonnez les sexualités de pornographie. Surrender deception. Abandonnez la séduction. And you'll ask yourself, but how can a man live like that? Vous allez vous poser la question, mais comment un homme peut vivre comme ça? So he's now saying. Il dit maintenant. That please surrender it to the Holy Spirit. Abandonnez cela au Saint-Esprit. Surrender yourself to the Holy Spirit. Abandonnez vous-même au Saint-Esprit. He died on the cross. Il est mort à la croix. And suffered. Il a souffert. And was abused. Il a été abusé. There was no law to protect the Messiah. Il y avait pas de loi pour protéger le Messie. In Canada, you cannot start beating a dog here now. Au Canada, tu n'as pas le droit de commencer à frapper un chien dehors. They will arrest you. On va t'arrêter. Because there are laws protecting dogs. Parce qu'il y a des lois qui protègent des chiens. But there was no law to protect the Messiah. Mais il y avait pas de loi pour protéger le Messie. Do you understand why heaven is waiting for this day? Vous voyez pourquoi le ciel attend ce jour? Because the Messiah was abused. Parce que le Messie était abusé. And they're waiting for the fruit of the cross. Mais ils attendent le fruit de la croix. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieux peuple. Before I start the message, avant que je commence le message, your salvation is not in vain. Votre salut n'est pas en vain. Your salvation is very, very critical for Jesus. Votre salut est très important pour Jésus. Because if you will not enter, parce que si vous n'entrez pas, Jesus will be ashamed. Jésus sera mis en honte encore une fois. Ashamed again. Il sera encore mis en honte une autre fois. So don't play with your salvation. Make sure you walk right with your salvation Ne jouez pas avec votre salut. Marchez droitement avec votre salut. Protect your salvation. Protégez votre salut. Uphold righteousness. Et saisissez la droiture de Dieu. Anyway, we talked about the breaking of the third seal. Maintenant, nous avons parlé du brisement du troisième sceau. And you see, of all the four horsemen of the apocalypse, et vous voyez que les quatre chevaux de l'apocalypse, that have been going all over the earth prophesying, où je suis allé dans le monde entier en train de prophétiser, as they get fulfilled, ils sont en train d'être accomplis. We saw very clearly. Nous avons vu clairement that the four horsemen. The Lord sent me to prophesy the four horsemen. Le Seigneur m'a envoyé pour prophétiser sur les quatre chevaux. And we see that that was actually the prophecy he gave on the Mount of Olives. Et nous avons vu que ça c'était la prophétie donnée sur le mont des Oliviers. And when he gave that prophecy on the Mount of Olives, quand il a donné la prophétie sur le mont des Oliviers, it translated in the prophecy of the release of the four horsemen. Il a traduit cela sur la prophétie du relâchement des quatre chevaux de l'Apocalypse. And we saw very clearly that the horsemen are not the same. Nous avons vu clairement que les cavaliers des chevaux ne sont pas tous les mêmes. We saw that the third horseman has so much power. Nous avons vu que le troisième a beaucoup de puissance. So much power because he defines the bride of Christ. Tellement de puissance qu'il définit l'épouse de Christ. Because when he was told to go preserve her, protect her. Parce que quand on lui a envoyé, on a dit protège-la. Then you clearly see who the bride of Christ is. Et là tu vois clairement qui est l'épouse de Christ. And he was told that when you find the oil and wine church, on lui a dit que si tu trouves l'église où il y a l'huile et le vin, the church that is flowing with the anointing of the Holy Spirit, l'église qui coule dans l'onction du Saint-Esprit, that is the wise virgin with one jar of oil. Ça c'est l'église vierge avec des vases d'huile. Protect her. Protège-la. Because that is the bride of Christ. Parce que celle-là, c'est l'épouse de Christ. And I said that centralizes the Holy Spirit in the church. Et je dis que cela centralise le Saint-Esprit dans l'église. Centralizes the Holy Spirit in your lives. Et centralise le Saint-Esprit dans vos vies. You have to rely on the Holy Spirit. Je dis aux gens, vous devez vous appuyer sur le Saint-Esprit. You have to kneel down and pray to the Holy Spirit. Vous devez vous agenouiller et prier le Saint-Esprit. You have to praise him, sing for him a song. Vous devez le chanter, chanter pour lui un chant. You have to relate with the Holy Spirit. Vous devez vous appuyer sur le Saint-Esprit. Because only he was given authority to prepare the church. C'est seulement lui qui a été donné l'autorité de préparer l'église. The fall in the church today. La chute de l'église aujourd'hui. The apostasy. Apostasie. Is because the church has not leaned on the Holy Spirit. Parce que l'église ne s'est pas appuyée sur le Saint-Esprit. Because the Holy Spirit brings the wisdom of God into the church. Parce que le Saint-Esprit amène la sagesse de Dieu dans l'église. And the wisdom of God, behold, is the fear of the Lord. Alors voici, la sagesse de Dieu, c'est la crainte du Seigneur. So we see that the rider of the third horse, et nous voyons que le cavalier du troisième chevaux, that is released when the third seal is broken, qui est relâché quand le troisième sceau est brisé. He has so much power. Il a tellement de puissance. He defines the bride. Il définit l'épouse. In the conversation between God and him, you see the bride. Dans la conversation entre lui et le Seigneur, vous voyez l'épouse. And then, alors, there is a fourth horseman. Il y a un quatrième cheval. But before there, mais avant cela, can you turn with me to the book of Leviticus? Pouvez-vous aller avec moi dans le livre de Lévitique? Chapter 24. Verset 24. Leviticus 24. Lévitique 24. I'm reading verses 1 to 4. Je lis le verset 1 au verset 4. He says, il dit, the Lord said to Moses, l'Éternel parla à Moïse et dit, command the Israelites to bring you clear oil of pressed olives for the light, so that the lamps may be kept burning continually. Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour les chandeliers de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. If there is a key word there, si y a un mot clé là, if I were you, si j'étais vous, and I meet the word continually, si je vois le mot continuellement, I would underline it. Je souligne ce mot là. And he continues verse 3. Il continue verset 3. Outside the curtain of the testimony in the tent of meeting, Aaron is to tend the lamps before the Lord from evening till morning continually. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage dans la tente d'assignation, qu'Aaron la préparera pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. The key word is continually. Le mot clé c'est continuellement. He says every time the darkness begins to appear like this. Il dit chaque fois que les ténèbres apparaissent comme ça là. It is the time to light up and tend, tending. Il faut allumer les lampes. He says tending the lamp continually. Il dit garder les lampes allumées continuellement. Tending means this. Ça veut dire ceci. You are sitting. Vous asseyez. You are sitting on a table in a restaurant. Vous vous asseyez à une table au restaurant. And they pour for you one glass of ice and Coca-Cola. On vous met un glace de Coca avec des glaçons. That table has somebody tending that table. Il y a quelqu'un qui entretient la table. That person will normally stand from far like this. La personne va se tenir à de loin. As you are drinking your Coca-Cola, quand tu prends ton Coca, he is watching. Il observe. When he sees it's going down, he comes. S'il voit que votre verre a baissé, il vient. He adds. Il ajoute. He goes back. Il retourne. When he sees it's going down, he comes. He adds. Il observe si ça baisse encore, il vient. Il ajoute dans le verre. Not to let it dry up. Afin que ça ne sèche pas. Someone was lying by the ark of the covenant. Quelqu'un dormait à côté de l'arc de l'alliance. And the lamp of God had not gone off. Et les lampes de Dieu ne s'éteignaient jamais. Meaning someone was checking and tending. Ça veut dire que quelqu'un était là pour entretenir les lampes. And adding the oil. Et ajouter l'huile. Tending the lamp. Entretenir les lampes. Tending the lamp of God. Entretenir les lampes de Dieu. Continually. Continuellement. This is to be a lasting ordinance for the generations to come. Ça sera une ordonnance pour les générations à venir. The lamps on the pure gold lampstand before the Lord must be tended continually. Il arrangera les lampes sur les chandeliers d'or pur pour qu'elles brillent continuellement. Listen to me now. Écoutez-moi maintenant. What is the message to the church then? Quel est le message pour l'église maintenant? He told Moses. Il a dit à Moïse. Tell the house of Jacob. Dis à la maison de Jacob. To bring you olive oil. De t'amener des olives pures. Not ordinary olive oil. Pas les olives ordinaires. Special oil. L'huile spéciale. Made by pressing unripe olives. Qui est concassé. Fait de les olives pures. Green olives. Des olives vertes. It is more difficult to get oil from them. C'est très difficile d'avoir de l'olive de ces olives vertes. It is not the same oil you buy in the bottles. Ce n'est pas le même huile que vous achetez dans vos bouteilles. You buy the yellowish golden oil. Vous achetez de l'huile jaune. But this oil the Lord was talking about. Mais l'huile que le Seigneur parlait ici. Is made out of green olives. It's almost clear. C'est fait des olives vertes. C'est très clair. It's very precious. C'est très précieux. And when you burn the olive oil, which is golden, quand vous achetez de l'huile d'olive qui est dorée, and pour in the lamp, et tu allumes la lampe, it burns. Ça brûle. But when it burns, mais quand ça brûle, it gives a soot. Il donne la fumée. It gives smoke also. Il donne un peu de fumée. It burns with soot. Il brûle avec un peu de lueur. A little smoke. Un peu de fumée. But when you burn this oil, mais quand tu brûles cette huile, it gives clear light. C'est la lumière claire. This is what Jehovah was talking about. C'est de ça que Jehovah parlait. He said, il dit, when the darkness begins to come, quand les ténèbres commencent à arriver, from evening till morning, de la soirée au matin. And you can see our God there. Et vous pouvez voir notre Dieu là. The God we serve. Le Dieu que nous servons. Is a God of light. C'est le Dieu de lumière. He hates darkness. Il hait les ténèbres. So when the evening comes. Quand le soir arrive. He says. Il dit. Begin to tend the lamp. Commencez à entretenir les lampes. Tending means. Entretenir veut dire. I am not going to fall asleep. Je vais pas m'endormir. I will be adding. I check the oil and add. Je vais vérifier. Ajouter de l'huile et ajouter. Have you tended the lamp of God in your life? Avez-vous entretenu la lampe de Dieu dans votre vie? Right now we are close to midnight. It's very dark. Maintenant nous sommes près de minuit. Il fait très noir. We are in the 11th hour. In the 11th hour is very pitch dark. Nous sommes à 23 heures. Il fait très noir déjà. Matthew chapter 5. Matthieu chapitre 5. Verses 13 to 14. Versets 13 à 14. He says, il dit, Matthew chapter 5 verses 13 and 14, he says, you are the salt of the earth. Matthieu chapitre 5 verset 13 à 14, il dit, vous êtes le sel de la terre. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. Il ne sert plus à être jeté dehors et à fouler aux pieds par les hommes. You are the light of the world. Vous êtes la lumière du monde. A city on a hill cannot be hidden. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux. Instead, they put it on a stand and it gives light to everyone in the house. Mais on le met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. In the same way, let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Is your light shining? Si votre lumière brille. If your light is shining. Si votre lumière brille. Then the world should see your good deeds. Alors le monde verra tes bonnes œuvres. Remember the only thing that is good to Jehovah. Rappelez-vous la seule chose qui est bon, c'est Jehovah. Is what is holy. Lui seul est digne de la sainteté. Only holiness is good to Jehovah. Seulement la sainteté est bon pour l'Éternel. If the Lord says. Si le Seigneur dit. Let your light shine. Que ta lumière brille. That they may see the good deeds. Qu'on voit tes bonnes œuvres. He's meaning this. Il veut dire ceci. Let your light shine. Que ta lumière brille. That they may see holiness in you. Qu'on voit la sainteté en toi. And praise Jehovah. Et qu'on puisse louer l'Éternel. He says. Il dit. Tending the lamp continually. Entretenir les lampes continuellement. Has your lamp died? Est-ce que votre lampe est éteinte? Many Christians, the lamp has died. Beaucoup de chrétiens, leurs lampes sont éteintes. And it breaks my heart so much. Et ça brise mon cœur très fort. When the Christian has fallen. Quand les chrétiens tombent. They may be in church, but they have fallen. Ils sont dans l'église, mais ils tombent. You go back home and you cry. Vous rentrez à la maison et vous pleurez. You cry because you know that you should not be where you are. Vous pleurez parce que vous savez que vous ne devrez pas être là où vous êtes maintenant. You look at yourself and say, I think I have fallen so bad. Vous regardez vous-même, dites, ah, je pense que je suis tombé très bas. I remember. Je me rappelle. I saw some men. J'ai vu un homme. On TV. À la télévision. I think the Lord was using him so much. Je pense que le Seigneur l'utilisait puissamment. And he appeared on TV, he was being interviewed. Il était à la télévision, il était en interview. And then he said this, I watched it. Je regardais puis il a dit ceci. He was elderly, gray hair and senior. Il était âgé, il avait des cheveux blancs. Then he said. Et puis il a dit. Lord. Seigneur. I miss the days when you used to speak to me. Ça me manque le jour où tu avais l'habitude de me parler. He said, Lord, il dit, Seigneur, I wish you could give me just one more dream now. J'aimerais que tu me donnes juste un rêve maintenant. And he cried on TV. Et il a pleuré à la télévision. Are you in that place? Êtes-vous à cet endroit? The lamp the Lord gave you. La lampe que l'Éternel vous a donnée. Was not for you. Ce n'était pas pour vous. Was for the perishing. C'était pour ceux qui périssent. That when you tend the lamp of Jehovah. Quand vous vous entretenez la lampe de l'Éternel. Those who are perishing out there. Ceux qui sont en train de périr là dehors. Locking the door every evening. Fermant la porte chaque soir. When they hear the footsteps in the stairs coming. Quand ils entendent les bruits des pas sur les escaliers. The neighbor. Des voisins. They lock the door. Ils ferment la porte. And they cry inside. Ils pleurent à l'intérieur. No hope. Il n'y a pas d'espoir. They don't want to see any human being. Ils veulent voir aucun être humain. They are depressed. Ils sont déprimés. In Canada here. Ici au Canada. They have never known a laughter, a smile. Ils n'ont jamais connu comment rire, comment sourire. They are suicidal. Ils sont suicidaires. The lamp the Lord gave you. La lampe que l'Éternel vous a donnée. There is a drug addict in the streets. Il y a un drogué dans la rue. He is crying for deliverance. Il crie de la pour la délivrance. He is waiting. Il est en train d'attendre. When will the Lord send somebody to me? Quand est-ce que le Seigneur enverra quelqu'un à moi? There's a woman, she has aborted a few times. Il y a une femme qui a avorté plusieurs fois. There's a young man in alcoholism. Il y a un jeune garçon dans l'alcoolisme. He is doing cocaine. Il prend la cocaïne. And every time he's doing, he says, I hate this thing. Et chaque fois qu'il prend cela, il dit, je hais cette chose ici. I don't like this thing. Je n'aime pas cette chose ici. I cannot wait for the day I will leave this thing. J'aimerais voir le jour où je pourrais abandonner ces choses. They are waiting for you. Ils attendent, ils vous attendent. Have you tended the lamp of God in your life? Avez-vous entretenu la lampe de Dieu dans votre vie? If you tend the lamp of God, si vous entretenez la lampe de Dieu, they will see you happy, laughing, going downstairs. Ils vont vous voir en train de vous réjouir en montant les escaliers, en souriant. When you meet her in the stairs, hi, how are you? Are you my neighbor? Et quand ils vont voir, ils vont dire, oh, comment allez-vous? Êtes-vous mon voisin? They will be surprised why you are happy. Ils vont être surpris comment toi tu es heureux. I invite you for dinner today. Oh, je t'invite au dîner aujourd'hui. No, you don't invite me. I don't go to people's houses. Non, non, ne m'invite pas. Je ne pars pas dans les maisons des gens. But if they get a chance to talk to you, mais s'ils ont la chance de vous parler, they are waiting for deliverance. Ils attendent la délivrance. Why are you happy? Pourquoi êtes-vous content? Me? Moi? Oh, for me, I love Jesus. Oh, moi, j'aime Jésus. Jesus gave me my joy. Jésus m'a donné ma joie. Can I lead you to Jesus? Est-ce que je peux vous conduire à Jésus? No, no, not now. You know. Non, non, pas maintenant. I need to go. I need to go. Je dois aller. Je dois partir. But later, they will find the Lord. Mais plus tard, ils vont rencontrer le Seigneur. If you tend the lamp, si tu entretiens la lampe, continuellement. Depression in the church. La dépression dans l'église. Sometimes the church needs counseling. Des fois l'église a besoin d'avoir des conseils. She may look more depressed than the people out there. Des fois ils ont plus de détresse que les gens qui sont dehors. Let us prepare the way for Christ. Préparons le chemin pour le Christ. The oil and wine church. L'église de l'huile et du vin. She's tending the lamp. Il est en train d'entretenir la lampe. She's adding. Il est en train d'ajouter de l'huile. Adding. Ajouter. And it's dark. Et quand il est noir. So the light is being seen. Afin que la lumière soit vue. Your children. Vos enfants. Do you dress your children holy? Est-ce que vous habillez vos enfants de manière sainte? You don't dress your children holy. Vous n'habillez pas vos enfants de façon sainte. If you teach them that road, they will follow that road. Si vous leur enseignez ce chemin, ils vont suivre ce chemin-là. Start with your children, dress them well. Commencez avec vos propres enfants, habillez-les convenablement. Cover them holy. Couvrez-les saintement. That the light you have may be seen in your children. Comme ça, la lumière sera vue à partir de vos enfants. Don't bring deliverance to another family until your family is delivered. N'amenez pas la délivrance à une autre famille jusqu'à ce que ta propre famille soit déjà délivrée. Zechariah chapter 13. Zacharie chapitre 13. Zechariah chapter 13. Zacharie 13. I'm just helping you to understand the church that the black horseman defines. J'essaie de vous faire comprendre la description de l'épouse de Christ que le cheval noir a décrit. When he said, if you meet the church that is in oil and wine. Quand il a dit, quand tu rencontres l'église qui est dans l'huile et dans le vin. Protect her. Protège-la. That is the royal bride. Ça, c'est L'épouse royale. Royal bride. L'épouse royale. Zechariah chapter 13, precious people. Zacharie chapitre 13, peuple de Dieu. Zechariah 13, I'm reading verses 7 to verse 9. Zacharie 13, je lis le verset 7. He say, wake up, O sword, against my shepherd. Épée, lève-toi sur mon pasteur. Against the man who is close to me, declares the Lord Almighty. Et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Strike the shepherd and the sheep will be scattered. Frappe le pasteur et les brebis se dispersent. And I will turn my hand against the little ones. Et je tournerai ma main vers les faibles. In the whole land, declares the Lord. Dans tous les pays, dit l'Éternel. Two thirds will be struck down and perish. Deux tiers seront exterminés et périront. And he says, yet one third will be left in it. Et l'autre tiers restera. This third I'll bring into the fire. Je mettrai ce tiers dans le feu. I'll refine them like silver. Et je les purifierai comme on purifie l'argent. And test them like gold. Et je les prouverai comme on éprouve l'or. They will call on my name. Il invoquera mon nom. And I will answer them. Et je l'exaucerai. I will say. Je dirai. They are my people. C'est mon peuple. And they will say. Et il dira. The Lord is our God. L'Éternel est mon Dieu. If I were you. Si j'étais vous. And I meet my people. Si je rencontre le mot mon peuple. I would underline it. Je le souligne. Because you want to know who are these the Lord calls his people. Parce que tu dois savoir qui sont ceux-là que Dieu appelle son peuple. The book of Isaiah 26. Le livre d'Esaïe 26. I'm just going to combine the two, Isaiah 26. Esaïe 26, je vais combiner les deux. Isaiah chapter 26, verse 19 to verse 21. Esaïe 26, verset 19 à 32. Write these things down, they will help you. Écrivez ces choses, ça va vous aider. When I am gone, the Holy Spirit will help you to read this. To study with your family, to examine your life. This is the mirror. Ça c'est le miroir. Quand je serai parti, le Saint-Esprit va vous aider en étudiant cela avec votre famille. You know when a bride is about to wed. Vous savez quand une fille est prête pour se marier. And all the time she is looking at the mirror. Et chaque fois elle se regarde au miroir. Wearing the gown. Portant sa robe de mariée. Checking if there's any problem with the gown before the day. Vérifiant s'il y a un problème avec sa robe avant le jour. That is where the church is now. C'est là où est l'église maintenant. And the mirror is this word. Et le miroir c'est cette parole. So write these things down. Alors écrivez ces choses. You will use them to check your life. Vous allez utiliser cela pour vérifier votre vie. And remove the stains. Et enlever les taches. And the wrinkles. When Isaiah saw the rapture, this is what he saw. Quand Isaïe a vu l'enlèvement, regarde ce qu'il a vu. He says, "But your dead will live. Que tes morts revivent. Their bodies will rise. Que mes cadavres se relèvent. You who dwell in the dust, wake up and shout for joy. Réveillez-vous, tressaillez de joie, habitants de la poussière. Your dew is like the dew of the morning." Car ta rosée est une rosée vivifiante. The earth will give birth to her dead. Et la terre redonnera le jour aux ombres. Go, my people. Va, mon peuple. You meet my people, underline this. Si tu vois le mot, mon peuple, souligne cela. Go, my people. Va, mon peuple. Enter your room. Entre dans ta chambre. And shut the doors behind you. Et ferme la porte derrière toi. Hide yourselves for a little while. Cache-toi pour quelques instants. Until his wrath has passed by. Jusqu'à ce que la colère soit passée. See, the Lord is coming out of his dwelling. Car voici l'Éternel sort de sa demeure. To punish the people of the earth. Pour punir les crimes des habitants de la terre. For their sins. Pour leurs péchés. The earth will disclose the blood shed upon her. Et la terre mettra le sang à nu. She will conceal her slain no longer. We will see them. Il ne couvrira plus les meurtres. On le verra. You see what Isaiah saw when he saw the rapture of the church? Vous voyez ce que Isaïe a vu quand il a vu l'enlèvement de l'église? I want to combine the two. Je vais combiner les deux. Isaiah is talking about a vision that I saw about the rapture of the dead. I have seen how the dead will rupture, how the tombs will open. Isaïe voyait l'enlèvement des morts parce que j'ai vu comment les morts vont ressusciter. I have already seen how the tombs will open. J'ai déjà vu comment les tombeaux vont s'ouvrir. I have heard the voice of the archangel. J'ai entendu la voix de l'archange. I know how the trumpet will sound. Je connais comment la trompette va sonner. In a mighty vision, when the Lord wanted to talk to me about the rapture of the church. Dans une grande vision, quand le Seigneur voulait me parler de l'enlèvement de l'église. And then the voice spoke. Alors la voix a parlé. Shouted actually. La voix a crié. The trumpet. Et la trompette. And then after that, the cloud opened. Après cela, la nuée s'est ouverte. And the Lord appeared on the right hand side of the sky. Et le Seigneur est apparu du côté droit du ciel. And then the Lord came out. Alors le Seigneur est apparu. And the Lord in that vision walked across the sky. Alors le Seigneur dans cette vision a marché tout au long du ciel. And he went all the way up to the end. Il est allé jusqu'au fond à la fin du ciel. When he reached the end, et quand il est arrivé à la fin, he turned and faced me. Il s'est tourné et m'a regardé. And he took his right hand. Il a pris sa main droite. And he prepared the crown. Il a préparé, arrangé sa couronne. He prepared the crown. Et quand il a préparé la couronne, and after he prepared the crown, quand il a préparé comme ça, then he showed me the nail pierce. Alors il m'a montré là où il était percé à la main. After that, après cela, the cloud opened, le ciel s'est ouvert, and he walked into heaven. Il a marché à l'intérieur du ciel. The cloud covered. Et puis la nuée a couvert cela. And I remember in that vision, et je me rappelle dans cette vision, I wanted to cry. J'ai voulu crier. When he walked away. Quand il a marché, il est parti. And then I woke up. Et puis je me suis réveillé. I have heard the trumpet of God. J'ai entendu la trompette de Dieu. I know the words the archangel will say. Je connais les mots que l'archange va dire. Isaiah says. Esaïe dit. That when the rapture comes. Quand l'enlèvement arrive. There are going to be the following things. Il y aura ces choses suivantes. There is going to be the morning dew. Il y aura la rosée matinale. There is going to be morning dew. Il y aura la rosée du matin. Isaiah celebrates the morning dew. Esaïe a célébré la rosée du matin. He says, shout for joy. Il dit, chantez de joie. Your dew is like the dew of the morning. Ta rosée est comme la rosée matinale. Shout for joy. Réjouissez-vous, poussez de joie. Because your dew is fresh. Parce que ta nuée, ta rosée est fraîche. The Lord has opened a big fountain of clean water here. Le Seigneur a ouvert une fontaine d'eau pure ici. The Lord has just burst up. He hit the rock, he burst water. Le Seigneur a frappé le roc, il a fait sortir de l'eau. And he says, come drink for free. Il a dit, venez boire gratuitement. Let everybody be given a chance. Que la chance soit donnée à tout le monde. Listen to me. Écoutez-moi. When Isaiah sees the rapture of the church. Quand Esaïe a vu l'enlèvement de l'église. Isaiah celebrates the morning dew. Esaïe a célébré la rosée matinale. He says, shout for joy. Il dit, chantez de joie, criez de joie. For your dew is like the dew of the morning. Parce que votre rosée est comme la rosée matinale. If you look at the leaves of vegetables in the morning. Si tu regardes à la feuille de cet arbre. Or maybe when you are fasting. Oh, quand tu es en train de faire le jeûne. When you do a dry fast. Et quand vous faites un jeûne à sec. And you are entering the sixth day. Et vous arrivez au sixième jour. Dry, no food, no water, nothing. Sans boire, sans manger, rien du tout. Everywhere you look. Partout tu vas regarder. You see somebody is drinking something. Tu regardes quelqu'un en train de boire quelque chose. Everywhere you look. Partout tu regardes. Somebody is drinking cold Coca-Cola. Les gens cold les Coca-Cola fresh. Cold water. L'eau fraîche. Every direction. Dans chaque direction. And then you always tell the Lord. Alors tu dis au Seigneur. That Lord. Seigneur. Me when I break the fast. Moi quand je vais finir mon jeûne. This time I will never abuse myself. Non, cette fois je vais pas m'abuser à moi-même. I will drink a lot. Je vais boire beaucoup. But that time. Mais à ce moment-là. If you look at the container of apple juice. Quand tu regardes dans le contenu de jus de pomme. They put the picture of apple. Ils ont mis une image de la pomme. And they put some dew on it. Ils ont mis quelques rosées sur la pomme. When you see the fresh dew. Quand tu vois la fraîcheur de la rosée. You feel you can drink it. Tu sens que tu peux absorber cela. Sucer cela. Isaiah says. Esaïe dit. Wake up and shout for joy. Réveillez-vous et tressaillez de joie. Because your dew is like the fresh dew of the morning. Car votre rosée comme la rosée fraîche du matin. Meaning it is cold. Disant que c'est froid. It is clear and fresh. C'est clair et c'est frais. If you wait 10 a.m. Si tu attends jusqu'à 10 heures le matin. And you look at the leaves. Tu regardes à la feuille de l'herbe. You find that the dew is mixed with some dust. Tu vas voir que à 10 heures la rosée est mélangée avec de la poussière déjà. It's not clear anymore. Ce n'est plus clair. What is Isaiah saying here? Mais qu'est-ce qu'Isaïe dit ici? Isaiah is talking about the latter anointing before the rapture. Isaïe parle de la dernière onction avant l'enlèvement. The anointing that befalls the oil and wine church. L'onction qui est pour le vin et pour l'huile de l'église. The church that the third rider of the black horse. L'église donc a décrit le troisième chevalier. He comes to define. Il vient pour définir. Why is Isaiah celebrating the morning dew? Pourquoi Isaïe célèbre la rosée du matin? Why does the Lord protect the oil and wine church? Pourquoi le Seigneur protège l'église du vin et de l'huile? Because he says, parce qu'il dit, that when the morning dew comes, quand la rosée du matin arrive, you know when it comes. Vous savez à quelle heure ça arrive. Normally, normalement, if you are sitting outside, si tu es en dehors, you are having a conversation sitting on the grass on the lawn. Vous êtes en train de parler, vous êtes assis sur l'herbe, sur la pelouse. In the evening. Le soir. If you sit there conversation until about 10 p.m. Si vous gardez votre conversation jusqu'à vers 22 heures. When you wake up. Quand vous réveillez. You say, Allah. Vous allez, oh. I'm wet. Je suis mouillé. Hey, so the dew is here. Oh, la rosée est déjà là. The morning dew comes before the midnight. La rosée matinale arrive avant minuit. And when the morning dew comes, et quand la rosée matinale arrive, he says, il dit, if any blood was poured here, s'il y avait du sang caché ici, it will be exposed. Ça va être exposé. If anybody was ever killed here, si quelqu'un avait été tué ici, it will be exposed. Il sera exposé. Allah, look, they murdered somebody here. Oh, on a tué quelqu'un ici. Wow, blood poured here. Oui, il y a le sang reversé ici. Whose blood is this? À qui le sang ici? What is the meaning of that? Quelle est la signification de cela? Isaiah says. Isaïe dit. That the morning dew. Que la rosée du matin. The latter anointing. La dernière onction. Comes to expose. Sin. Il vient pour exposer les péchés. He stands here. Il se met là-bas. And says. Il dit. To wear miniskirts is a sin. De porter les mini-jupes, c'est un péché. To wear tight trousers and show your anatomy is a sin as a Christian. Porter des pantalons serrés pour montrer ton anatomie, c'est un péché pour les chrétiennes. That sagging trousers is a sin. Les pantalons baissés des garçons, c'est un péché. Isaiah is saying. Isaïe dit. That the latter anointing. Que la dernière onction. Of the bride of Christ. De l'épouse de Christ. Gives wisdom. Donne la sagesse. That the church may know. Afin que l'église sache. What is sin. Qu'est-ce qui est le péché. And what is not. Et qu'est-ce qui ne l'est pas. And if she finds. Et si elle trouve. That she has been living in sin. Qu'elle vivait dans le péché. She will begin to repent. Elle va commencer à se repentir. And the repentance revival will begin. Et par la repentance, le réveil va commencer. And the church will now prepare the way of the Lord. Et l'église va maintenant préparer le chemin du Seigneur. That is the way to prepare the way. Ça c'est la manière de préparer le chemin. Isaiah sees another thing here. Isaïe a vu quelque chose d'autre ici. What else did Isaiah see? Quelle est la chose qu'Isaïe a vu? And by the way, I can describe to you this vision. En fait, je peux vous décrire cette vision. In this vision, dans cette vision, the Lord lifted me up above the earth. Le Seigneur m'a soulevé de la terre. And I saw the earth. Et je vis la terre. Then I saw something like an earthquake hit the earth. Et je vis quelque chose comme si le tremblement de terre a secoué la terre. Because I saw the rocks jumping, the surfaces. Parce que je vis les rocs en train de bondir et de sauter. The surfaces being disturbed. Et la surface de la terre était perturbée. And then I realized it was not an earthquake. Et j'ai réalisé que ce n'était pas un tremblement de terre. Because I finally saw people in their glorious bodies coming out. Parce que je vis les gens dans leur corps glorieux sortir de là. In the beginning, the glory was mixed with the dust. Au début, la gloire était mélangée avec de la poussière. But the more they went into the sky, the more they went into the pure glory of plus the Lord. Plus ils montaient vers le ciel, plus ils devenaient dans une gloire pure. And I saw them unite with the Lord. Et je les ai vus réunis avec le Seigneur. Heaven opened. Le ciel s'est ouvert. And then a cloud closed them like et puis il y a un nuée qui a fermé la porte. I have seen this vision. J'ai vu cette vision. I know how the dead will rapture. Je sais comment les morts vont ressusciter. Not all the dead Christians. Ce n'est pas tous les morts, seulement les chrétiens. Only the holy dead Christians. C'est pas tous les morts chrétiens, mais seulement les chrétiens saints qui étaient morts. Isaiah saw something else. Isaïe a vu quelque chose d'autre. Isaïe a vu the shutting of the door. La fermeture de la porte. He says, il dit, go my people, dis à mon peuple, enter your rooms, rentre dans vos chambres. And then Isaiah saw the door shutting. Et Isaiah vit la porte était fermée. John chapter 14. Jean chapitre 14. Verses 1 to 3. Verset 1 à 3. Today the truth has come. Aujourd'hui la vérité est arrivée. John chapter 14. Jean chapitre 14. Let's see what Isaiah saw. Regardez ce que Isaïe aussi avait vu. Pastors, write these scriptures. This is very rich preaching. You can preach to your churches. Pasteur, écrivez cela. C'est un enseignement très puissant. Vous pouvez enseigner à l'église. This is now revealed. C'est maintenant révélé maintenant. You can preach it to your homes, to your home fellowship, to the churches. To vous pouvez enseigner ça dans vos maisons, dans les maisons d'enseignement, dans vos églises. That's why I'm giving it here. Raison pour laquelle j'enseigne cela ici. Because I may not reach Ottawa. Parce que je ne suis pas arrivé à Ottawa. I may not reach Ottawa. Peut-être je serai pas à Ottawa. I may not reach Quebec. Peut-être je ne pourrai pas être au Québec. I may not reach Newfoundland or Guelph or Edmonton. Edmonton. But you are here. Mais vous, vous êtes ici. You will prepare the church. Vous allez préparer l'église. Absolutely. John chapter 14. Jean chapitre 14. Verse 1 to verse 3. Verset 1 à 3. Do not let your hearts be troubled. Que votre cœur ne se trouble point. Trust in God, trust also in me. Croyez en Dieu et croyez en moi. In my father's house are many rooms. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. If it were not so, I would have told you. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. I am going there to prepare a place for you. Je vais vous préparer une place. And if I go and prepare a place for you, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, I will come back. Je reviendrai. And take you to be with me. Et je vous prendrai avec moi. That you also may be where I am. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. You know the way to where I am going. Vous connaissez là où je vais. You know the way to where he's going. Et vous en savez le chemin. But do you see the rooms Isaiah saw? Et vous voyez les chambres qu'Isaïe a vues? Isaiah said he saw them entering their rooms. Isaïe a dit qu'il les a vus rentrer dans leur chambre. And Jesus said he is going to prepare their rooms. Et Jésus dit, je m'en vais vous préparer des places là-bas. But Isaiah saw something else very critical. Mais Isaïe a vu encore quelque chose de très critique. He saw that when they entered their rooms, il a vu que quand ils sont rentrés dans leur chambre, he saw the shutting of the door. Il a vu les portes être fermées. I have come to announce here. Je viens annoncer ici that the door will soon shut. Que bientôt la porte sera fermée. Does somebody understand me? Est-ce que quelqu'un me comprend? If you want to enter, enter now. Si vous voulez entrer, entrez maintenant. I have come to announce that the door is going to shut. Je suis venu annoncer que bientôt la porte sera fermée. He saw the same rooms Jesus talked about. Il a vu les mêmes chambres que Jésus a parlé. And he called them, go my people. Il dit, allez-y mon peuple. He called them my people. Il les a appelés mon peuple. Somewhere there. Quelque part là-bas. In the book of Zechariah 13. Dans le livre de Zacharie 13. We just read. Nous avons lu cela. He says, and they will say the Lord is our God. Alors il dira, l'Éternel est notre Dieu. And I will say they are my people. Et je dirai, ils sont mon peuple. Listen to what is being spoken about here. Écoutez, qu'est-ce qui est en train d'être dit ici? The Lord is saying. Le Seigneur dit that it will be a remnant. Ça sera un reste. It will be a remnant, a small one that will enter. Ça sera un reste, un petit groupe qui va entrer. I don't want to tell you what I've seen. Je vais pas vous dire ce que j'ai vu. I want to encourage all of you to fight hard and enter. Je vais encourager chacun d'entre vous de vous battre pour entrer. I don't want to say what I have seen. Je vais pas dire ce que j'ai vu. Because it may you may wonder. Parce que vous allez vous poser des questions. But all I can tell is that the door is open for all of you. Mais tout ce que je peux dire, c'est que la porte est ouverte pour chacun d'entre vous. Because on that day, the word will be fulfilled. Parce qu'à ce jour-là, la parole va s'accomplir. The Lord will fulfill the word. Le Seigneur va accomplir la parole. Without holiness. Sans la sanctification. Nobody. Personne. Nobody. Personne. Will see the Lord. Ne verra le Seigneur. But he says. Mais il dit. What is written in Matthew chapter 24 verse 36. Ce qui est écrit dans Matthieu 24, verset 36. You can write down, you read at home. Vous pouvez écrire et lire à la maison. Matthew 24, verse 36 on. Matthieu 24, verset 36. He says, il dit, nobody knows the day or the hour. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. And he says, not even the angels. Ni les anges. Not even the Son of Man. Ni le Fils de l'homme. And he said, et il dit, like it was during the time of Noah. Comme cela était au temps de Noé. So will it be at the coming of the Messiah. En sera-t-il au retour du Messie. During the time of Noah. Au temps de Noé. Nobody wanted righteousness. Personne voulait la justice de Dieu. Nobody wanted holiness. Personne ne voulait la sainteté de Dieu. Noah warned them. Warned them. But Noah, nobody took it. Noah les a prévenus, mais personne n'a compris cela, saisi cela. Noah preached righteousness. Noah a prêché la justice. Noah warned about the door which is about to shut. Noah les a prévenus que la porte va être fermée. But nobody. Mais personne. Nobody listened. Personne n'a écouté. And now Isaiah saw. Maintenant Isaïe a vu. Like during the time of Noah. Comme au temps de Noé. Genesis chapter 7 verse 16. Genèse chapitre 7 verset 16. Genesis chapter 7 verse 16. Genèse chapitre 7 verset 16. I give you everything now. Je vous donne tout maintenant. Genesis chapter 7 verse 16. Genèse chapitre 7 verset 16. And he says. Il dit. The animals going in were male and female of every living thing as God commanded Noah. Il entra mâle et femelle de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Then the Lord shut the door. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Do you understand why I'm here? Vous comprenez pourquoi je suis ici? I have come to announce. Je suis venu pour annoncer. I have come to announce here. Je suis venu annoncer ici. That the door will soon shut. Que bientôt la porte sera fermée. Isaiah saw the door enter and shut. Isaïe a vu, ils sont rentrés et la porte était fermée. And he saw my people, his people. Il a dit, oh mon peuple, son peuple à lui. Who are my people? Qui sont mon peuple, ces gens-là? 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Verse 14 to 18. Verset 14 à 18. There is the definition of my people. Là il y a la définition de mon peuple. I want Canada to hear this. Je veux que le Canada écoute ceci. That when you will catch this. Quand vous allez saisir cela. Now you can enter. Maintenant vous pourrez entrer. You say, oh Lord, he came. Oh Seigneur, il est venu. But he didn't tell us how to prepare. Mais il nous a pas dit comment nous préparer. I was supposed to walk in here. J'étais supposé arriver ici. And stand here. Et me tenir ici devant. And said, thus says the Lord. Je dis, ainsi parle le Seigneur. I am coming. Je reviens. And then I walk away. Et puis je m'en vais. But the Lord has led me to literally teach you. Mais le Seigneur m'a conduit même de vous enseigner. That is a lot of love. Ça c'est beaucoup d'amour. To show you how to prepare. De vous montrer comment vous préparer. Step by step. Étape par étape. For me to release this here. Pour moi de donner ça ici. It was not part of the job description. C'était pas dans la description de mon travail. He said, go tell them to prepare. Il me disait, va leur dire de se préparer. He said, the Lord is coming, prepare. Que le Seigneur revient, préparez-vous. If I look at some of my predecessors in the Bible. Quand je regarde l'un de mes prédécesseurs dans la Bible. Oh. Oh. I guess the Lord has allowed me to do this because there is a lot at stake. Je crois que le Seigneur m'a permis de faire ça parce qu'il y a beaucoup de choses. There is so much at stake. Il y a beaucoup de choses à prendre. If the church does not enter, si l'église n'entre pas, prepare properly, ne se prépare pas adéquatement, Jesus will be humiliated again. Jésus sera humilié encore. The animals going in, les animaux sont rentrés, were male and female. C'était mâle et femelle. And then, alors, Seigneur cerró la puerta. L'Éternel ferma la porte. The Lord shut the door. L'Éternel ferma la porte. It does not say Noah shut the door. Ça n'a pas écrit que non, Noé a fermé la porte. The wise virgins, que les vierges sages, when they entered, quand ils sont rentrés, and then the Lord shut the door. Le Seigneur aussi a fermé la porte. I have come to announce, je suis venu annoncer, that the Lord will shut the door. Que le Seigneur va fermer la porte. My people. Mon peuple. He says in that scripture I gave you, dans cette écriture que je vous ai donnée, of 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 18, dans 2 Corinthiens 6 verset 14 à 18, he defines my people. Il définit mon peuple. He says that is a church. Il dit ça, c'est une église. That does not mix light with darkness. Qui ne mélange pas la lumière avec les ténèbres. A church that never mixes light with darkness. L'église qui ne mélange pas les ténèbres avec la lumière. So ask yourself today. Pose-toi la question aujourd'hui. Have I mixed my light with darkness? Est-ce que j'ai mélangé ma lumière avec les ténèbres? Remember, light. Rappelez-vous que la lumière plus darkness plus les ténèbres is always equal to darkness. C'est toujours égal aux ténèbres. Oh yes. Oh oui. This salvation you cannot mix with darkness. Vous pouvez pas mélanger ce salut avec les ténèbres. Light plus darkness. La lumière plus les ténèbres. Is always equal to darkness. C'est toujours égal aux ténèbres. He says. Il dit. My people. Mon peuple. I'm talking about the bride of Christ. Je parle de l'épouse de Christ. That is the church. C'est l'église. That does not mix idol worship with worshiping Jehovah. Il n'a pas mélangé l'adoration des idoles et l'adoration de l'Éternel. That is the church that is not yoked with the world, with the unbelievers. C'est une église qui n'est pas connectée avec le monde, avec les infidèles. When she goes out to the world, quand ils sortent vers le monde, they see her light. Ils voient sa lumière. And they come to the Lord. Et ils viennent au Seigneur. But she does not bond with them. Mais il ne s'associe pas à eux. You know what? Vous savez quoi? Let us go watch some movie today. Allons voir un film aujourd'hui. I have a pizza party this weekend. The spring has come. J'ai une fête de pizza aujourd'hui parce que le printemps est arrivé. And I will bring some beer also. Alors je vais aussi amener des bières. Come join us. Don't be alone there. Come non, join ne us. Reste pas seul. Viens te rejoindre à nous. And you find Christians going. Et tu vois les chrétiens aller. And drinking beer. Et boire de la bière. At this hour, à cette heure ici, the bride of Christ, l'épouse de Christ, is not allowed to drink, n'est pas permis de boire. Not allowed, n'est pas permis. You cannot, tu ne peux pas. Because you are not allowed, parce que tu n'es pas autorisé. We know what alcohol can do, nous savons ce que l'alcool peut faire. We know how the devil has used alcohol. Nous savons comment le diable a utilisé l'alcool. So for us, it is not allowed. So for us, n'est pas permis. Joel chapter 2. Joel chapitre 2. Joel chapter 2. Joel chapitre 2. Verses 28 to 32. Verset 28 à 32. I am still talking about the third seal. Je suis en train toujours de parler du troisième sceau. On the scroll of God. Sur le rouleau de Dieu. When the lamb broke the first seal, quand le Seigneur a brisé le premier sceau, we saw the release of the white horseman. Nous avons vu hier le relâchement du cheval blanc. And he is doing what we call look-alike. Il fait ce qui est pareil, similaire. Look-alike with Jesus. Il est similaire comme s'il apparaît comme Jésus. And we saw where the problem is. Et nous avons vu là où est le problème. That the church failed to rebuke him. L'église a échoué de le réprimander. The church failed to tell him, hey. L'église a échoué de lui dire, hey. If you say you are the Messiah, si tu dis que tu es le Messie, then where is your sword? Où est ton épée? If you say you are the Messiah, si tu dis que tu es le Messie, why are you carrying a bow? Pourquoi tu portes l'arc? I know you are hiding arrows here. Je sais que tu caches les flèches derrière. Why do you want to hurt us? Pourquoi tu veux nous heurter? If you say you are the Messiah, si tu dis que tu es le Messie, why do you have only one crown? Pourquoi? Comment tu n'as qu'une seule couronne? That's where the problem started from. C'est là que le problème a commencé. When the first seal was broken. Quand le premier sceau a été brisé. And the Lord sent him to the church. Et le Seigneur l'a envoyé à l'église. And the church failed to rebuke him. Et l'église a échoué la réprimande. The church did not rebuke him. L'église ne l'a pas réprimandé. She thought he is Christ. L'église a pensé qu'il était le Christ. She believed his gospel. L'église a cru à son évangile. He brings modern Christianity to the church. Il a amené le christianisme moderne à l'église. He said, we are walking in the year 2000 and whatever. Il dit, nous marchons en 2012. We can wear tight trousers, it's okay. Nous pouvons okay. porter les vêtements serrés. The young men can go to disco, whatever. Les jeunes garçons peuvent aller dans les discos n'importe où. And then now what you have? Maintenant ce que vous avez? The pastor's sons. Les fils des pasteurs. They have become the sons of Eli in the church today. Ils sont devenus comme les fils de Eli à l'église aujourd'hui. They go to church to pick women now. Les fils des pasteurs vont à l'église pour prendre des femmes maintenant. The Bible has come full circle again. L'église est en plein cercle encore. Now if you look at the son, the children of pastors. Maintenant quand tu regardes aux fils des pasteurs. In fact there was an article in the newspaper, I think in Kenya. En fait au Kenya, il y avait un article dans les journaux. When they said the children of the bishops and the pastors in the university, they are the most immoral. Les fils du bishop et des pasteurs dans l'université sont les plus immoraux. There was another article in Kenya in the newspaper. Il y avait un autre article dans les journaux au Kenya. They said if you go to the youth night vigil, the youth night, all night worship. Si tu vas à la veillée des jeunes la nuit. They beat the discotheque, they beat. Ils jouent les discos à l'intérieur. The way they dress. La manière qu'ils sont habillés. And the way they dance. La manière qu'ils dansent. And when they checked in the cars parked outside. Et quand on a vérifié aux voitures qui étaient parquées dehors. Every car has two. Chaque voiture avait deux. In sexual sin. Deux étaient en train de faire le péché sexuel. And the Lord showed me in a dream. Le Seigneur m'a montré dans une vision. Condoms being picked outside the church compound in the morning. On ramassait les préservatifs. They are called condoms. On appelait les préservatifs. Being picked in the morning after the service. On ramassait les préservatifs après le service le matin. And I stormed. Et j'étais étonné. I went to the bishop. Je suis allé au bishop. And I said, why are condoms being picked here? J'ai dit, mais pourquoi on ramasse les préservatifs ici? They said he's crazy. Ils m'ont dit, oh, il est fou. But later they came back. Mais plus tard ils sont revenus. They came to me and they said, by the way, what you said was right. Ils m'ont dit, en fait, ce que tu avais dit était correct. In our church we had to investigate. Dans notre église on doit faire des recherches. That when the service reaches midnight, quand le service arrive à minuit, we see that the church is full of young men and girls. They fill the church at midnight. Nous voyons qu'à minuit l'église est remplie de jeunes garçons, de jeunes filles. And they leave two by two. Mais ils quittent deux à deux. And come back. Two go, come back. Il y a deux qui sortent, après il y a deux qui rentrent. Look alike. Ils se ressemblent. He wants to look like Christ. Il veut ressembler à Christ. He brings postmodernism in the church. Il amène le postmodernisme à l'église. And yet in heaven, alors qu'au ciel, there is no modern Christian. Il n'y a pas de chrétien moderne. There will be a holy Christian. Il y aura des chrétiens saints. Not a modern Christian. Pas de chrétien moderne. You will not say, oh Lord, you see, I come from Canada. Pardon, pardon. Tu diras, non, Seigneur, je viens du Canada. Pardon, pardon. Me, I like to preach in the village. Moi, j'aime prêcher dans le village. Oui. I'm a village preacher. Je suis un prédicateur de village. When I come here, I cannot handle myself. Quand je viens ici, je ne sais pas comment me comporter. I like the village there. J'aime le village là-bas. When they hear tomorrow, you see all of them holy dressing. Quand demain ils viennent, ils sont tous bien habillés saintement. Turn with me now to the book of Joel 2. Allez avec moi dans Joël chapitre 2. The bride of Christ that the black horse defines. L'épouse de Christ que le cheval noir a décrit. He says afterward. Il dit après cela. Do you know the meaning of afterward? Connaissez-vous le sens de après cela? He was saying then when the messianic dispensation dawns. Quand la dispensation du Messie arrivera. He says afterward. Après cela, I will pour out my spirit on all people. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Your sons and your daughters will prophesy. Vos fils et vos filles prophétiseront. Your old men will dream dreams. Vos vieillards auront des songes. Your young men will see visions. Et vos jeunes gens des visions. Even on my servants, both men and women. Même sur les serviteurs et sur les servantes. I will pour out my spirit in those days. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. What is the Lord saying here? Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Can I describe? Est-ce que je peux décrire cela? He's saying. Il dit that the church that the third seal when it's broken. Quand le troisième sceau est brisé, the church it defines. L'église est décrite. The bride of Christ it defines. L'épouse de Christ est décrite. The bride of Christ that the rider of the black horse defines. L'épouse de Christ que le cavalier du cheval noir a décrit. Has no deception. Il n'y a pas la déception, la séduction. Does not lie. Il n'y a pas le mensonge. Why? Pourquoi? Because. Parce que. Even the pastor cannot lie. Même le pasteur ne peut plus mentir. Because somebody will come here. Parce que quelqu'un va venir ici. And say, pastor. Il dit, pasteur. I had a dream. J'ai eu un rêve. That the person you are inviting tomorrow. Que le pasteur que tu invites demain. To preach in the church. De prêcher à l'église. He came with gum boots. Il est venu avec des chaussures avec la boue. And with mud, avec de la boue, soil, le la boue. He was walking with soil all over the church. Il marchait avec le sable partout dans la salle. I had that dream, pastor. What does that mean? Oh, j'ai eu ce rêve, pasteur. Qu'est-ce que cela signifie? Pasteur, I saw a dream. J'ai eu un rêve that you were somewhere with a woman. J'étais quelque part avec une femme. And she was wearing a red top. Et elle portait une chemise rouge. Pastor, what does that mean? Parce que qu'est-ce que cela veut dire? Hey, be careful. Faites attention. You cannot lie in this church. Tu ne peux pas mentir dans cette église-là. Because the portals of heaven are open. Parce que les portes de l'église sont ouvertes. And the Lord is revealing. Et le Seigneur révèle. He's communicating. Il communique. This place here. Cet endroit ici. Is an open book. C'est un livre ouvert. Ah. That's what he's saying there. C'est ce qu'il est en train de dire ici. That when the lamb breaks the third seal. Quand l'agneau a brisé le troisième sceau. And he is able to define the bride. Il est capable de décrire comment est l'épouse. Now there is no lying. Maintenant il n'y a plus le mensonge. Oh, the Lord told me I am a prophet. The Lord told me. Oh, le Seigneur m'a dit que je suis un prophète. Oh, the Lord told me. Le Seigneur m'a dit. You cannot say that. Tu ne peux plus dire ça. Because in this place. Parce qu'à cet endroit ici. The truth of God abides. La vérité de Dieu est établie. When you receive this kind of truth. Quand tu reçois cette vérité. No human being created by God. Aucune créature créée par Dieu. Can lie to you again. Ne peut te mentir à nouveau. Because this is a high standard. Parce que ça c'est un standard très élevé. That the Lord is setting. Que l'Éternel est en train d'établir. So all pastors here. Tous les pasteurs ici. They must now preach to that standard. Ils doivent prêcher à ce standard là. That is the truth because we cannot lower now. Parce qu'on peut pas baisser cela maintenant. The worship team must live to that standard, right? La chorale doit vivre aussi à ce standard. Oh yes, oh yes. Oui. Yeah, because there is no other. Parce qu'il y a pas d'autre. There is only one standard. Il y a juste un seul standard. Ezekiel 47. Ezekiel 47. Ezekiel 47. Ezekiel 47. Hallelujah. Hallelujah. Ezekiel 47. Ezekiel 47. The bride of Christ. L'épouse du Christ. The man brought me back to the entrance of the temple and I saw water coming out from under the threshold of the temple towards east for the temple faced east. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. The water was coming down from under the south side of the temple, south of the altar. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. He brought me out through the north gate and led me around the outside to the outer gate facing east, and the water was flowing from the south side. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, et voici l'eau coulait du côté droit. As the man went eastward with the measuring line in his hand, he measured off 1,000 cubits and led me through water that was ankle deep. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1,000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Water that was ankle deep to the ankle. L'eau était jusqu'aux chevilles. And he says, et il dit, he measured off another 1,000 cubits and led me through water that was knee deep. Il mesura encore 1,000 coudées et il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. And he says, il mesura encore. He measured off another 1,000 cubits and led me through water that was to the waist. Il mesura encore 1,000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. He measured off another 1,000, but now it was a river that I could not cross because the water had risen and was deep enough to swim in. A river that no one could cross. Il mesura encore 1,000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Then he asked me. Puis il me posa la question. Son of man. Fils de l'homme. Do you see this? Avez-vous vu cela? What is he talking about here? Qu'est-ce que cela dit ici? Regarding the bride of Christ. Concernant l'épouse de Christ. Ezekiel. He saw the latter glory. Il a vu la dernière gloire. The glory that would come. La gloire qui va venir. And what Ezekiel saw. Et qu'est-ce qu'Ezekiel a vu? He saw this. Il a vu ceci. He saw the capacity of the bride of Christ to take the glory of God and take and take and take and take and take and take and take until mature. Il a vu la capacité de l'épouse de Christ de prendre la gloire de Dieu, de prendre jusqu'à ce qu'il devienne mature. Why? Pourquoi? Because he said. Parce qu'il dit. The Bible says. La Bible dit. That for you to give your life to Jesus. Pour toi donner ta vie à Jésus. And see him. Et de le voir. And say that this is the Lord. Et dit, ah, celui-ci c'est le Seigneur. Let me give my life to him. Laisse-moi donner ma vie à lui. You must receive the anointing of the Holy Spirit. Tu dois recevoir l'onction du Saint-Esprit. That is the basic. Ça c'est la base. The first. Ça c'est la première partie. At the ankle. Au cheville. Yeah, because there are many people in the bar right now. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans les bars maintenant. They're drinking. Ils sont en train de boire. They're running out there with women, with men, whatever. Ils sont là-bas avec les hommes, avec les femmes. They have not yet come. Ils sont pas encore arrivés. But for you, you are given a revelation. Mais pour vous, il vous a été donné la révélation. You say, hey, this is the Messiah. Oh, celui-ci c'est le Messie. My Redeemer. Mon Rédempteur. Let me go there and give him my life. Laisse-moi aller là-bas lui donner ma vie. It's a revelation. C'est une révélation. He asked them. Il leur a demandé. Who do people say I am? Que disent les gens que je suis? He asked them. Il leur a posé la question. Some said you're prophet of the old. D'autres disent que tu es un des prophètes. Some say you are that. D'autres disent que tu es ceci. They did not know the question was directed to them. Ils n'ont pas su que la question leur était dirigée à eux. And then he turned to them. Et puis il s'est tourné vers eux. And he asked them. Il leur a posé la question. But who do you say I am? Mais que dites-vous que je suis? How about you? Qu'en est-il de vous? Then they thought. Alors ils ont pensé. And then Peter. Alors Pierre. Jumped up. Il a sauté. And he said. Il dit. You are Christ, the Son of the Living God. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. And he told Peter. Il dit à Pierre. He turned to him. Il s'est tourné vers lui. Peter. Il dit Pierre. That must only have come from my father. Ça ne peut venir que de mon père. Only my father could have revealed this. Il y a que le père qui peut te révéler cela. For you to know him, ankle level. Pour toi de le connaître, c'est le niveau aux chevilles. He is talking about spiritual growth. Il parle de la croissance spirituelle in the church. Dans l'église. That the church ought to be growing. Que l'église doit continuer à grandir. Growing by receiving the Holy Spirit. Grandissant en recevant le Saint-Esprit. The blessed one of Israel. Le Saint d'Israël. The blessed one is in the house. Le, celui qui est béni dans la maison. Let us receive him. Ah, recevons-le. That we may grow. Afin que nous puissions grandir. From the ankle level. Du niveau de cheville. To the knee. Au genou. To the waist. À la au rein. Up to a place. Jusqu'au point. Where now we cannot cross the river. Là où nous ne pouvons même pas traverser la rivière. And then we will be swept in the direction of the current. Alors on va être entraîné dans la direction du courant. Now the will of God takes charge. Maintenant la volonté de Dieu va prendre place. Did you understand? Vous comprenez? What is he saying by this? Qu'est-ce qu'il dit par ceci? Let me summarize for you. Laissez-moi résumer rapidement. He's saying that when the third horse is released. Il dit que quand le troisième cheval est relâché. Then he defines the bride. Alors il définit l'épouse. As the church. Comme une église. That ceases to exist. Là où. Does not exist. Qui n'existe pas. Let me say it properly. Laissez-moi le dire proprement. He defines it. Il a défini. He defines the royal bride. Il définit l'épouse royale. As the church. Comme une église. That has been killed. Qui a été tuée. You did not get me yet, right? Vous m'avez pas encore saisi. Let me say it better. Laissez-moi le dire bien. He is defining the royal bride. Il définit l'épouse royale. As the church that gives in, gives in, gives in. Surrender, surrender, surrender. Qui s'abandonne, s'abandonne, s'abandonne. Until when you look at the cross. Jusque quand tu regardes à la croix. Where Jesus was crucified. Quand, où Jésus était crucifié. You see, she has been crucified. Tu dis, oh, elle aussi a été crucifiée. Did you get me yet? Vous m'avez saisi? Because parce que Jesus told Nicodemus. Jésus a dit à Nicodème. Unless a man be born again, à moins qu'un homme naisse de nouveau, he cannot see the kingdom. Il ne peut pas voir le royaume. And that's why Jesus, c'est pourquoi Jésus, went to the cross. Il est parti à la croix. And when he killed the flesh, et quand il a tué la chair, then the spiritual church was baptized. Alors l'église spirituelle était née. That's why we are here. C'est là pourquoi nous sommes ici. That's why we receive the Holy Spirit. C'est pourquoi nous avons reçu le Saint-Esprit. Yes, the flesh has to go. Il faut que la chair soit partie. He told Nicodemus. Il a dit à Nicodème. That which is born of the flesh. Ce qui est né de la chair. Only gives birth to the flesh. Ne donne naissance qu'à la chair. That which is born of the spirit. Ce qui est né de l'esprit. Gives birth to the spirit. Donne naissance à le spirituel. That's why when Jesus died. C'est pourquoi quand Jésus est mort. When he was on the cross. Quand il était à la croix. To complete the conversation. D'accomplir la conversation. Nicodemus and Joseph. De Nicodème avec Joseph. They went to remove the body. Ils sont allés enlever le corps. And Nicodemus saw. Et Nicodème a vu. And now he understood. Et maintenant il a compris. That you don't go back to your mother. Tu n'es pas retourné à ta mère. And enter the womb again. Et rentrer dans le ventre de ta mère. But the man in you has to be killed. Mais l'homme en toi doit mourir. And then they put him down. Et puis on le met par terre. And they put fragrance on him. Et on met la fragrance sur lui. Which means, ce qui veut dire, when you are crucified, quand tu es crucifié, then the new birth takes place. Alors la nouvelle naissance commence. That's why when you are baptized, c'est pourquoi vous êtes baptisé. In Romans chapter 6, dans Romains chapitre 6, today you die with Christ. Aujourd'hui tu meurs en Christ. And you are buried with Christ. Tu es enseveli avec Christ. And you resurrect with et Christ. Tu ressuscites avec Christ. I am saying these things here. Je suis en train de dire ces choses là ici. With all my lungs. Avec tous mes poumons. That you may enter. Afin que vous puissiez entrer. If you see what is going on, I am crying that you enter. Si vous êtes en train de voir, je suis en train de crier pour que vous puissiez entrer. If you follow what's going on, what has been happening here. Si vous êtes en train de suivre ce qui se passe ici. I've been crying for you to enter. Je suis en train de crier pour que vous puissiez entrer. Encouraging you. Vous encourager. So please don't give up. Non, n'abandonnez pas. Our Messiah will be humiliated. Notre Messie sera humilié. Don't give up. N'abandonnez pas. You are still the bride. Vous êtes toujours l'épouse. Just reform your ways. Seulement réformez vos voies. I remember. Je me rappelle. When the Lord was calling me. Quand le Seigneur m'appelait. And I was refusing. J'ai refusé. For 7 months. Pendant 7 mois. And crying. J'ai pleuré. Falling on the soil. Je me jetais par terre. Locking myself. Je m'enfermais dans la chambre. For many days. Pour beaucoup de jours. And every night. Et chaque nuit. He came. Il venait. Every night. Chaque nuit. In the left hand. Et du côté de la gauche. His left hand. De son côté gauche. Always pointed over me. I was sleeping and like this. Moi, je me couchais par terre avec son bras, son, sa main droite, gauche. Il me pointait comme ça là. And he said. Et puis il disait. By voice. À une voix. Go pray for my people. Va prier pour mon peuple. And I feared to go to sleep. Et j'avais peur d'aller dormir. Every night. Chaque nuit. Until one day. Jusqu'à un jour. He came. Il est venu. The cloud. La nuée. And again spoke from there. Et puis il a parlé de là. And then he showed me how Jesus was crucified. Il m'a montré comment Jésus était crucifié. And when I saw, et quand j'ai vu de là, there's a lot about the cross you don't know. Il y a beaucoup de choses sur la croix que vous ne connaissez pas. I saw even how he went under. J'ai même vu quand il a été enseveli. How he suffered on the cross. Comment il a souffert à la croix. He was tortured. Il a été torturé. He struggled. Il s'est battu. Even Peter, même Pierre, who promised him, qui lui avait promis, that Lord, I will not give up on you. Oh Seigneur, je ne vais pas t'abandonner. Even Peter ran away. Même Pierre s'est enfui. And the prophecy was fulfilled. Et la prophétie s'était accomplie. The prophecy said, la prophétie disait. That when that dark day arrives, quand ce jour noir va arriver, on that day, en ce jour-là, everybody would run away from the Messiah. Tout le monde va fuir et abandonner le Messie, even his friends, même ses amis, and the Messiah would remain alone on the hill. Et le Messie sera seul à la montagne. And his friends would be very far on another hill. Et ses amis seront loin de l'autre côté sur une autre montagne. They would look like that. Vont regarder comme ça. And he was thirsty. Et il avait soif. Very thirsty. Il avait très soif. He lost all the fluids. Il a perdu tous les liquides. On l'avait percé. He lost everything. Il a tout perdu. And Peter was not even there. Quand même Pierre n'était pas là. To give him water. De lui donner de l'eau. I cried for 3 months. J'ai pleuré pendant 3 mois. I used to drive and pull over to the island in the center of the highways. Quand je conduisais, je devais aller à l'extérieur de la route, parquer. And weep until I lose my voice. Pleurer jusqu'à ce que je perde ma voix. What the Messiah suffered. Pour voir comment le Messie a souffert. The Lord is crying to you. Le Seigneur est en train de pleurer à vous. Said, look, I did it for you. Disant, regarde, j'ai fait cela pour vous. Please, now remember me. S'il vous plaît, maintenant, rappelez-vous de moi. Please do it for me. Faites-le pour moi. You understand me? Vous me comprenez? For 3 months. pendant 3 mois. I cried and collapsed. I used to pass out. J'ai pleuré jusqu'à ce que je m'évanouissais. When I remember what I saw. Quand je me rappelais ce que j'ai vu. Until today I cry. Jusqu'à aujourd'hui je pleure. I lock the door and cry. Je m'enferme et je pleure. When I remember what I saw. Quand je me rappelle de ce que j'avais vu. He was put to shame. Il avait été mis à la honte. That the way may be open for you. Afin que le chemin soit ouvert pour toi. Will you help the Messiah? Allez-vous aider le Messie? And change your ways. En changeant vos voies. And honor him. Et l'honorer lui. And be righteous. Et être droite, juste. Separate from sin. De vous séparer du péché. I have said everything here with all my lungs. J'ai dit toutes choses ici de toute ma force, de tous mes poumons. That when I leave, pour que demain quand je vais quitter, I can tell him, Lord, je peux lui dire Seigneur, I have left a bride there. J'ai laissé une épouse là-bas. Will you help the Messiah? Allez-vous aider le psy? Very thirsty. Il avait très soif. And nobody. Mais il y avait personne. Was there to give him water, just water to drink. Personne n'était là pour lui donner juste de l'eau pour boire. And the Lord made me see. Et le Seigneur m'a permis de voir. How the soldiers humiliated him. Comment les soldats l'avaient humilié. They gave him vinegar, wine. Ils l'ont donné vinaigre. They desecrated him. Ils l'ont dénigré. Desecrated him. Ils l'ont dénigré complètement. Defiled him. Ils l'ont méprisé. They put wine on a sponge and put in his mouth. Ils ont mis du vinaigre dans une éponge, ont mis sur sa bouche. Then he looked down. Et puis il a regardé. Say thank you. Il a dit merci. And he died. Et puis il est mort. I will never stop weeping. Je n'arrêterai pas de pleurer. When I remember that vision. Quand je me rappelle de cette vision. Will you accept him? Allez-vous l'accepter? Right now the bride has refused him. Maintenant, l'épouse l'a rejeté, refusé. In all countries. Dans tous les pays. Every country. Dans tous les pays. She has refused. Elle a refusé. Look at Canada. Regarde le Canada. Will you take him? Allez-vous le prendre, lui? I want to pray. Je vais prier. If you want, you repeat this prayer. Si vous voulez, vous allez répéter cette prière. Because the Bible says, parce que la Bible dit, he is the man of sorrows, c'est l'homme de douleur, and he is familiar with suffering, habitué à la souffrance. But if you can, mais si vous pouvez, please take him, s'il vous plaît, acceptez-le. Say, precious Jesus, précieux Jésus, I recognize your suffering. Je reconnais tes souffrances. I recognize the hour. Je reconnais l'heure. And today. Et aujourd'hui. I surrender to you. J'abandonne à toi. Please have your way. S'il te plaît, aie ton chemin. In my heart. Dans mon cœur. And prepare me. Et prépare-moi. Thank you, Jesus. Merci, Jésus.